poste d'écoute. Plastique, plastique, plastique,

vite au fond où il est coulé. Il fait la grâce matinée, la tête sur la mer. Peur du temps, ses pensées, il reste prisonnier. La grâce matinée, son cœur tendu. Et il reste prisonnier de ses désirs. It's okay to feel lonely, it's alright. If you

three, four. Fucking disease and it pierces my rat, no rats. Still I'm now afraid.